Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y hoy tenemos dos entrevistas que uno mismo y Paloma Muñoz Hierro grabamos en Real Monasterio de Yuste en la Fundación Academia Europea de Yuste. La semana pasada, del 16 al 18 de noviembre concretamente, se llevó a cabo el seminario doctoral que se titulaba Las relaciones exteriores y políticas de la Unión Europea y la cooperación en el Mediterráneo. En este seminario había una serie de doctorandos que exponían sus trabajos delante de unos profesores o un comité de profesores formado por el profesor Enrique Moreadillos, el profesor Eric Bussière, la profesora Mercedes Samaniego, el profesor Jürgen Elbert y el profesor Jesús Baigorri. En la primera de las entrevistas tenemos al profesor Enrique Moreadillos y al profesor Eric Bussière y nos hablarán sobre la situación actual de Europa y su futuro. Y en la segunda, Virginie de Moriamé y Mathieu Rosselin, dos de los doctorandos, nos expondrán su trabajo. Sin más, les dejo con las entrevistas y me despido dándole también las gracias al control, como siempre. Hasta luego. Buenas tardes, soy Paloma Muñoz Hierro González y estoy con mi compañero Alejandro González Amador en la Fundación Academia Europea de Yuste y hoy tenemos el placer de contar con Enrique Moreadillos y Eric Bussière para realizar una entrevista acerca de la situación actual en Europa. Enrique Moreadillos es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Eric Bussière es profesor de Historia de Europa Contemporánea en la Universidad Paris-Sorbonne y forman parte del seminario doctoral. Este seminario se titula Las relaciones exteriores y políticas de la Unión Europea y la cooperación en el Mediterráneo y ha tenido lugar entre el 16 y el 18 de noviembre. And now I am switching to English for the interview. So after all they've been talking about in the seminar, I find it very interesting to comment on the situation of Europe. So I would like to ask you some questions. In your opinion, what has been the most interesting subject treated in the seminar? Well, I think it would be very difficult to choose a single one because we had 10 papers dealing with very different aspects, but all of them connected with the idea of what sort of foreign policy the European Union is developing around the Mediterranean area or as regards its own policy-making process. I wouldn't be able to choose a single one. I mean, some of them were much deeper, broader, or better prepared, but in general, the 10 papers had an extremely high quality. All right. Alors, je crois que ce qui vient d'être dit correspond parfaitement à mon sentiment personnel. Je peux ajouter peut-être que ces papiers étaient très divers, mais en même temps, par certains aspects très complémentaires, et que leur grande qualité, c'était le fait d'être pluridisciplinaire et également le fait de poser un certain nombre de questions fondamentales et d'esquisser des éléments de réponse à ces questions. Donc je crois que ce séminaire a été l'un des meilleurs que nous ayons eu ces dernières années, puisque c'est le sixième. Thank you very much. And another question would be, from the historical point of view, what does mean the current economical and social and cultural situation in for the future of Europe, the European Union, but also for the future of the continental Europe? Well, it's a very difficult question, but one fact it's certain. We are passing through deep crisis, which in its origin is an economic one, a financial one, but with its development has provoked a sort of institutional crisis. The European Union as a very difficult, complex, and vulnerable building upon nations within the continent. It's challenged by an economic crisis which is, I wouldn't say out of control, but with very difficult instruments to control it. And this provokes institutional frictions and gaps that should be immediately amended. Otherwise, we risk a clear danger of, I would say, probably involution, not destruction of the Union as itself, but a risk of involution and the opening of a new path for which we do not have any map to go on. So it's a difficult period, and I hope that our leadership, and this is a question of leadership as well in the Union, are able to overcome the crisis and to respond to the challenges. And when you say involution, which kind of involution? Well, what would be the scenario with one country going out of the Eurozone, let's say Greece? It will be the only one. Are there others waiting in the waiting list? Would it be possible to go back to national currencies? Would that amend or solve the economic crisis, or would be a deepening of the crisis? I mean, the scenarios are really dangerous, and an involution would be to go back in the path we have been in a way walking on, and that is a challenge and a very deep risk. Wouldn't be this involution also to concentrate the power, for example, in two countries, and for example in France or Germany? I wouldn't say so, Jenna, but I let my colleague, who is a much more expert on that, to comment on it. Oui, alors, je crois que ce n'est pas du tout la question. La question fondamentale, c'est que l'Union européenne est confrontée à un problème qui est devenu fondamentalement politique. Et l'économie d'un côté, la dimension institutionnelle de l'autre, ne sont que des traductions d'un phénomène qui est profondément politique. Alors, il concerne actuellement les gouvernants, qui sont confrontés à la nécessité de faire évoluer le mode de gouvernance européenne dans bien des domaines pour faire face aux difficultés. Et par ailleurs aussi, il concerne les citoyens. Les citoyens européens sont responsables des gouvernants qu'ils se donnent et ne peuvent pas être dédouanés de la crise telle qu'elle est aujourd'hui. Dans les États qui ont géré de façon très hasardeuse leurs finances publiques, les citoyens étaient parfaitement au courant de la situation. Dans certains secteurs, ils ont profité de ces excès. Ils doivent maintenant assumer, pour ce qui leur revient, la responsabilité. Par conséquent, c'est un défi pour les gouvernants, c'est un défi pour les citoyens. Donc c'est un défi qui nous concerne tous, chacun selon sa part de compétences, de responsabilités, chacun selon sa situation. Je ne pense pas du tout que la situation va évoluer vers plus de responsabilités pour certains dits grands pays. Si certains grands pays apparaissent peut-être sur le devant de la scène, c'est lié fondamentalement à la déficience institutionnelle et politique de l'ensemble, mais ce n'est pas en soi une évolution que l'on peut considérer comme devant se prolonger. Elle ne se prolongera pas. Par conséquent, quand certains grands pays sont au devant de la scène, c'est parce qu'ils estiment qu'un certain nombre de risques existent et qu'ils se trouvent devant la nécessité d'une action. Mais ce n'est en aucune manière une évolution de long terme et une évolution durable. Merci. Thank you. Well, we had a different question asking about the future of Europe, but I believe that you have already answered that question. So, moving on, how can this seminar provide us with a new and fresh perspective regarding the current problems in Europe? Well, I think that the seminar is part of a tradition, an intellectual tradition, which makes a big sense. In order to solve problems, you have, first of all, to understand the situation, to define alternatives, to see ways based on past experiences or past models of analyzing, of understanding, of acting with knowledge. And I think this sort of seminars, all together, not just ours, but what is going on in the whole of the continent, offer explanations, alternatives, stress the risks of not doing or doing something which is wrong from some perspective. So it's part of our tradition of understanding before acting to avoid mistakes or to go again by the same paths, which leads to not very welcoming places. Oui, je crois que l'un des apports de ce séminaire, ça a été de montrer que l'environnement international, et notamment les pays de la Méditerranée, les pays du nord de la Méditerranée, notamment, nous en avons beaucoup parlé, attendent de l'Europe. Par conséquent, l'un des apports de ce séminaire a été de montrer, au fond, de placer les Européens et l'Union européenne devant l'exigence que leur rappellent les pays du sud de la Méditerranée. Par conséquent, d'une certaine façon, les évolutions en Méditerranée, en Afrique du Nord, des derniers mois, exigent que l'Union européenne agisse, réponde à cette nouvelle situation. Il y a d'énormes attentes. Par conséquent, il y a une pression extérieure qui joue, et cette pression extérieure, elle contribue à placer les responsables européens et les citoyens européens devant leurs responsabilités, et un très fort incitatif à bouger. Par conséquent, ça, c'est un élément intéressant de ce séminaire. Et est-ce que vous pensez que les gens qui sont aujourd'hui ici au séminaire seront les jeunes de l'avenir de l'Europe et que sa pensée pourrait aider l'Europe à sortir de cette situation? Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder un séminaire, par Mais exemple, pas seulement cette session. Nous avons, c'est le sixième séminaire que nous avons organisé, et si nous regardons un petit peu ce que sont devenus les participants à ces séminaires, on constate que depuis une dizaine d'années, ils sont entrés dans l'université, ils sont entrés dans des professions, des positions où ils étaient à même d'apporter une contribution sur les questions européennes, et je crois que c'est cela l'intérêt. Il est très difficile de dire, évidemment, ce qu'ils feront, ce qu'ils apporteront, mais je crois que ce séminaire a révélé un certain nombre de talents, a révélé un certain nombre de préoccupations, de lignes de force, et qu'on commence à les voir dans la réalité. Mais il est très difficile d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Merci beaucoup. Thank you for your nurturing and profound comments about this issue. It was a pleasure to be with you here today. Thank you very much. Thank you. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Donde Lenguas. Hoy estamos en el Real Monasterio de Yuste, en el marco de un seminario doctoral patrocinado por la Fundación Academia Europea de Yuste. Yo soy Alejandro González y hoy tenemos con nosotros a Paloma Muñoz Hierro, a Virginie de Moriamé y a Mathieu Rosela. Maintenant, je vais changer au français parce que ils vont se présenter. Après, on passera aux questions. Alors, si Mathieu, tu veux commencer, s'il te plaît. D'accord, je te remercie. Moi, je m'appelle Mathieu Rousselin. En effet, je suis français. Je fais pour le moment mon doctorat en Suisse, dans une université de langue allemande qui est située à Saint-Gall, dans les montagnes du nord de la Suisse. Et je vis de l'autre côté du lac de Constance, donc en Allemagne. Si je dois me présenter un petit peu mon parcours académique, il s'est fait d'abord en France, à Paris. Ensuite, il s'est fait en partie en Europe de l'Est, à Prague et aussi à Varsovie. Et mes expériences professionnelles, elles étaient plutôt dans les Balkans, en Bulgarie et en Bosnie-Herzégovine notamment. Donc voilà les pays que j'ai couverts pendant mes études. Pas mal. Et Virginie, si tu veux... Oui, donc je suis Virginie, je suis belge, je fais mon doctorat en co-tutelle avec l'Université du Luxembourg et l'Université catholique de Louvain. Comme on avait déjà discuté avec Mathieu, moi j'ai pas vraiment voyagé comme lui, j'ai plus voyagé à l'intérieur de l'université. Mon parcours académique, donc j'ai commencé avec une philologie en langue germanique, en littérature et linguistique, puis... j'ai fait les relations internationales et les études européennes. Et maintenant, je rédige une thèse sur l'héritage du passé dans les relations euro-méditerranéennes. Merci. On a trouvé vos contributions au séminaire doctoral très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de cette opportunité que la Fondation vous a donnée avec le séminaire? Oui, une très chouette opportunité, des débats très riches. C'était très intéressant de rencontrer d'autres chercheurs qui travaillent sur des thématiques similaires et de pouvoir partager nos différents points de vue, d'autant plus qu'on vient de disciplines et de pays différents. Une thématique assez intéressante parce qu'elle est en pleine évolution et des conclusions très enrichissantes aussi. D'accord. Et toi, Mathieu ? Donc sur l'opportunité de venir présenter notre recherche ici, déjà c'est très attirant pour nous qui sommes des jeunes chercheurs d'avoir la possibilité de présenter nos idées dans un cadre relativement horizontal. Donc les professeurs sont ici, mais ils ne sont pas là comme juges, ils sont vraiment là comme soutien, comme aide pour nous aider à raffiner, à préciser, à être plus exigeant encore. Donc ça c'est une chose très intéressante. La deuxième chose intéressante, c'est l'horizon des gens qui sont présents ici, qui ont des disciplines différentes, des backgrounds en termes de nationalité aussi assez différents, des âges différents. Donc ils sont à des moments différents de leur carrière. Donc ça permet aussi d'enrichir, au-delà de notre propre discipline, la recherche qu'on est en train de conduire. Puis la troisième chose qui est intéressante pour nous comme jeunes chercheurs, encore une fois, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose de concret sous la forme d'une publication. Donc ça permet non seulement de présenter nos idées, non seulement de les améliorer, mais aussi de les faire connaître à un public très large. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous est offert ici. Merci. La prochaine question est pour Virginie. Ta présentation était mise en relation avec les sujets linguistiques. Et on l'a trouvé très intéressant comme traducteur et interprète. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sujet par rapport au pouvoir des mots et son significat dans le cadre des organisations internationales? Oui, donc vraiment une contribution centrée sur le pouvoir des mots en politique étrangère, qui en fait est assez particulier dans le cadre de l'Union européenne, parce que là ici... Parce que, et là, j'avais repris juste une citation de Jacques Santerre qui, en 96, avait dit donc, de l'Europe. Nos débuts, il est vrai, ont vu l'Europe se manifester essentiellement par le verbe. L'Europe s'est d'abord mise à parler. On a critiqué les très nombreuses déclarations dont l'abondance semble vouloir démontrer le pouvoir des mots en politique étrangère. Donc ici, à travers ma contribution, ce que j'essaye de voir, c'est vraiment quelles sont les représentations de la Méditerranée dans les discours européens. De quelle manière l'Union européenne représente la Méditerranée, quelles sont les images qu'elle utilise pour renforcer la coopération ou non, et comment est-ce que ces représentations ont évolué à travers le temps. C'est aussi la question de la mémoire, de comment cette mémoire peut être gérée à un niveau politique. On constate parfois qu'elle est instrumentalisée à des fins politiques. Et dans le cas de la coopération euro-méditerranéenne, on suit vraiment une évolution particulière, puisque même la Méditerranée est très difficilement définissable dans les discours européens. D'accord. Merci. Merci, c'est une très bonne réponse. Et quand même... Par rapport à la présentation de Mathieu, on a des questions aussi. Bon, merci Virginie pour la réponse et merci aussi à tous les deux pour être ici. Et Mathieu, ton présentation était relationnée avec les nouvelles technologies. Alors, d'après toi, quel rôle jouent ces nouvelles technologies, pas seulement comme des éléments de lutte, mais aussi comme des éléments, comme tu nous as raconté dans ta présentation, de diffusion culturelle et linguistique? D'accord, je te remercie. En effet, ma présentation, elle portait plutôt sur le potentiel des technologies de l'information et de la communication comme territoire de la lutte sociale, mais il y a un autre aspect dans ces mêmes technologies qui est non pas le contenu social, mais leur portée culturelle et ou linguistique. Moi, il y a trois choses que je pourrais dire là-dessus. La première, c'est, ou plutôt sur le potentiel et sur les risques. Voilà ce qui m'intéresserait de discuter avec vous. Sur le potentiel, il y a trois éléments intéressants. Le premier, c'est que ça nous offre un espace qui est gratuit. Donc l'accès au contenu culturel n'est pas dépendant des ressources des gens, même des gens qui sont très pauvres, finalement, vont pouvoir avoir accès à un contenu culturel. Donc la culture n'est plus exclusive. La deuxième chose qui est aussi liée à cela, c'est que l'accès n'est plus dépendant de la localisation géographique. Donc vous pouvez avoir accès à des contenus culturels russes ou bien russophones, tout en étant basé en Amérique latine, par exemple. Donc ça, c'est également une nouveauté qui est très intéressante. Et la troisième chose plus nouvelle encore, c'est le côté participatif. Donc le fait que les contenus culturels peuvent être co-définis, co-écrits, ce qui veut dire que vous n'avez plus d'un côté quelqu'un qui reçoit et qui n'est que spectateur de la culture, mais qui va finalement aider à l'écrire. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut voir à travers les blogs, à travers Wikipédia. Vous avez une dynamique à la consommation culturelle qui va être différente. Donc là, je vous ai tracé les côtés très positifs. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il y a aussi trois très grands dangers et que nous, faisant de la recherche, on ne peut pas ignorer, mais plus important encore, les décideurs politiques doivent avoir ça bien présent à l'esprit. La première, c'est qu'il n'y a aucun contrôle de la qualité. Donc ça, c'est le contrependant, si vous voulez, de la gratuité et de l'accès sans limite. N'importe qui peut écrire n'importe quoi, et de ce fait, vous pouvez assez facilement circuler des rumeurs, utiliser des réseaux, ou bien les mésutiliser pour faire circuler un contenu qui n'est pas sérieux, qui en termes de culturel, par exemple, peut contenir des erreurs, des fausses interprétations. Donc ça, le contrôle de la qualité est un gros problème que, par exemple, je mentionnais Wikipédia, Wikipédia, la solution qu'il a développée ne passe pas par les experts, mais par le contrôle entre les consommateurs. Donc ça crée des nouvelles dynamiques en termes de contrôle de la qualité. La deuxième chose qui peut-être est un danger, du moins qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est un espace avant tout qui est neutre. Donc ça peut être utilisé pour une culture de contestation, pour une culture qui contribue finalement au débat public, mais elle peut aussi être utilisée par les autorités publiques pour étouffer le même débat. Donc on peut avoir un usage contre-révolutionnaire, contrôlant, limitant l'accès à la culture, si ce sont, bien par exemple, des pouvoirs dictatoriaux qui vont censurer, contrôler l'Internet. Et la dernière chose, c'est le pendant de la gratuité dont je parlais au début. Ceci a aussi des problèmes en termes de propriété intellectuelle. C'est un grand débat qui traverse toute l'Europe en ce moment. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les créateurs, les artistes, est une forme de rétribution pour l'effort qu'ils mettent dans la création culturelle. Et si on n'est pas en mesure d'assurer une forme de rétribution pour que les artistes puissent vivre de leur travail, le contenu culturel va s'appauvrir. Maintenant, je voudrais vous demander une chose que je pensais à propos de ton intervention. Tu as utilisé le mot coopération avec la particule co. En relation avec l'Union, et le terme coopération a été beaucoup utilisé dans ces forums ici. Est-ce que vous pensez que la coopération, l'union des gens, c'est la solution à ces problèmes qu'on envisage en Europe d'une façon, d'un point de vue social, économique, aussi politique? Qu'est-ce que vous pensez de ces mots-là? On parle de mots ici, et qu'est-ce que vous pensez du mot coopération? Merci. C'est vrai que dans le discours politique, c'est un mot qui peut-être est moins présent que son pendant, qui serait la compétition. Donc si on pense à la pensée économique, la compétition est placée au centre. On a par exemple des règles communautaires qui sont organisées de manière à préserver, à maintenir, à renforcer la compétition entre les agents économiques. Moi, je pense que la meilleure façon d'appréhender ce problème-là, c'est par une analogie à la biologie, c'est-à-dire aux forces de la nature. On se concentre beaucoup sur les logiques de prédation, donc le lion qui va manger le zèbre. Ça, ce serait l'équivalent, si vous voulez, de la compétition. Mais ce qu'on oublie sans doute beaucoup de voir, c'est que l'essentiel des rapports entre les animaux sont basés sur la coopération. Donc, voilà, il y a des systèmes de symbiose, des systèmes d'aide. On a des chaînes alimentaires très complexes où chaque chaînon dépend sur l'autre. Donc, en réalité, lorsqu'on regarde les forces de la nature, la biologie, la force la plus présente, c'est la coopération et non la compétition. Et moi, je vois aucune raison pour que le monde social soit basé sur des règles différentes. Donc, je pense que, à l'inverse, il va nous falloir mettre l'accent en termes académiques et scientifiques sur des projets de recherche au cœur desquels se trouve la coopération plutôt que la compétition. Oui, et moi je pense aussi que dans ce séminaire on a beaucoup utilisé le mot coopération. Là on était au niveau de l'analyse, maintenant au niveau des discours par exemple, le terme coopération n'est pas aussi utilisé que ça. Moi par exemple j'ai constaté dans les relations euro-méditerranéennes que par exemple quand l'Union européenne engage des politiques vis-à-vis de la Méditerranée, c'est rarement... Oui, dans les textes on trouve le mot coopération, mais par exemple les titres des stratégies, c'est soit des politiques, soit des partenariats, soit des... une union récemment, mais le terme coopération en soi n'est pas utilisé au niveau du titre. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque, et un contenu peut-être de coopération, comme il dit, revenir à des termes plus biologiques, hein, comme tu dis, et qui sont parfois un peu manquants dans les politiques que l'Union européenne, par exemple, impulse vis-à-vis de ses partenaires méditerranéens. Bon, merci à tous les deux. Merci aussi à Paloma, et on vous en prie pour cette... C'est nous qui te remercions beaucoup de nous avoir donné cette occasion, puis j'espère que tes auditeurs réagiront à ça et écouteront ta radio. J'espère aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.